page économie à présent, les banques et microfinances hésitent à accorder des crédits à un agriculteur. La cause est l'incapacité de rembourser due à la mauvaise production. Lors d'un atelier d'échange organisé par la Banque de la République du Burundi et l'Association africaine de crédit rural, le directeur de la supervision de la stabilité et inclusion financière à la BRB indique qu'ils vont échanger sur les modalités à adopter pour moderniser le secteur agricole, surtout dans la gestion des risques. Les prix des matériaux de construction ont sensiblement flambé ces derniers jours. Propos de certains commerçants rencontrés ce lundi au quartier asiatique. Ils donnent un exemple d'un sac de ciment de type Dangote Zambien qui est à 42 000 francs burundais alors qu'il était à 41 000 francs burundais. Les tubes de 12 mètres marque Turquie étaient à 54 000 et aujourd'hui il est à 56 000 francs burundais et demande au gouvernement de résoudre ce problème des prix. Le point avec Jean-Marie Mayonk. Certains des commerçants rencontrés au quartier asiatique expliquent que les prix des matériaux de construction ont connu une augmentation énorme. Un sac de ciment en provenance de la Zambie, type Dangote, qui était à 38 000 francs burundais, aujourd'hui s'achète à 43 000 francs burundais. Il en est de même pour un sac de ciment de ce type Dangote en provenance de la Tanzanie, qui était à 41 000 francs burundais, aujourd'hui s'achète à 42 500 francs burundais. Le tube de 60-40 qui était à 36 000 francs burundais, aujourd'hui s'achète à 39 000 et n'est pas trouvé facilement dans les lieux de vente. Ce type même, en provenance du Kenya, se vend à 56 000 francs burundais alors qu'il était à 48 000 francs burundais. Le tôle plane utilisé pour les fabrications des portes se vend aujourd'hui à 65 000 francs burundais alors qu'il s'achetait à 55 000 francs burundais. Le fer à béton de longueur de 12 qui provient de la Turquie se vend à 56 000 francs burundais. Ces commerçants demandent au gouvernement de tout faire pour baisser les prix de différents produits. Il précise que le manque de devises et surtout la hausse des prix de ces devises serait à l'origine de cette hausse des différents produits sur les marchés. Merci Jean-Marie Mayonga. Je vous le disais tout à l'heure, l'Assemblée législative est-africaine tient une session à Bujumbura depuis ce lundi. Dans une conférence de presse animée, le président de cet organe, Joseph Nakartimana, a annoncé que la 5e Assemblée législative est-africaine concentre ses efforts à la sensibilisation de ses activités, car, dit-il, elle a constaté que cet organe reste moins connu par la population des pays membres de cette communauté. Suivez plutôt Joseph Nakartimana, président de l'EALA. La dernière fois que l'EALA, le Parlement de l'East African Community, était venu au Burundi il y a 8 ans, c'était en 2016. Nous sommes de retour ici parce que notre travail, c'est un travail qu'on fait rotativement. Nos sessions parlementaires se déroulent de pays à pays, parmi les pays membres. Vous savez qu'on est aujourd'hui à 7 pays membres. Nous avons la communauté qui est constituée de 7 pays aujourd'hui. Au niveau de l'EALA, qui est le Parlement de l'East Africa, nous avons 63 parlementaires. Parce que chaque pays désigne ou vote, envoie 9 parlementaires. Ce que nous, on a constaté comme parlementaires, parce que nous constituons le 5e Parlement de l'East Africa, chaque Parlement, bien sûr, c'est 5 ans. Nous sommes le 5e. Ce que nous, on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les pays membres de l'East Africa, cette communauté, comme ce Parlement et EALA, ne sont pas connus suffisamment au niveau des pays membres. Les citoyens de l'East Africa veulent savoir davantage ce qu'est la communauté, les activités, leurs droits, leurs devoirs, leurs avantages, pourquoi il existe l'EALA lié ici. Notre rêve aujourd'hui comme 5e Parlement, c'est que nous parvenions à faire autant que nous pouvons pour que, à la fin de notre mandat, les pays membres de la communauté puissent dire le 5e Parlement a travaillé et nous sommes contents de lui parce que avec lui, nous avons pu savoir quelque chose de la communauté EAC. Radio Isanganiro, chronique sport.

La République démocratique du Congo a accepté de maintenir la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est sur son territoire, même si les conditions réelles de la mission seront renégociées selon le journal The East African. Les détails sont apparus après que des représentants du partenaire de la communauté de l'Afrique de l'Est et leur chef des forces de défense se sont rencontrés à Bujumbura pour examiner les performances de l'EAC. CRF, 6 mois après la décision de se déployer. L'accord sur le statut des forces SOFA qui prévoyait le déploiement a expiré, conclut ce journal kényan The East African. Actualité régionale. En Ouganda, les forces de défense du peuple ougandais ont tué 20 rebelles des forces démocratiques alliées ADF après une bataille dans l'est de la RDC. Le journal The Citizen écrit que l'UPDF a récupéré 4 fusils AK-47 après le combat, 313 balles et d'autres assortiments de matériel militaire. Le major Bilal Katamba, officier de l'information publique de la division montagne de l'UPDF, a déclaré que l'UPDF, dans le cadre d'une opération conjointe avec l'armée congolaise, a attaqué la base des ADF où ils ont tué les 20 rebelles au sud-ouest de la rivière Lusulubi et près de la rivière Semliki. Dans les colonnes du journal de Monitor, pour boucler cette revue, la police kényane a déclaré mardi dernier avoir arrêté 238 personnes lors de violentes manifestations contre le coût de la vie qui ont également fait 31 blessés parmi les policiers. Les manifestants s'étaient joints aux manifestations à Nairobi et d'autres parties du Kenya lundi en réponse à un appel du chef de l'opposition vétéran Raila Odinga pour une journée d'action contre le gouvernement du président William Ruto. La police a tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre les manifestants, dont certains lançaient des pierres et brûlaient des pneus, ainsi que contre le cortège d'Odinga. Ainsi se referme cette revue de la presse régionale. Merci de l'avoir suivie. Elle vous a été préparée et présentée par Aïssa Liliane Inamahoro. Et ainsi qu'Alain Désiré Boukeyeneza. Au revoir. Actualité régionale.